Chapitre 8e. Ils continuèrent leur promenade et ils arrivèrent au bout du rempart à l'endroit où commence la route qui sort de Condé, passe devant le château de la Rouvray et conduit à la station du chemin de fer. Comme ils suivaient cette route depuis quelques instants, ils entendirent le trot d'un cheval et ils tournèrent la tête pour voir qui arrivait derrière eux. C'était un officier en petite tenue. « C'est lui, » murmura Madame Prêt-Avoine. Mais cet avertissement était inutile pour appeler l'attention d'Aurélien. Les officiers sont rares à Condé, et avant que sa mère eût parlé, il avait reconnu Richard de Gardilane. Aussitôt, il cessa de tenir sa tête tournée en arrière, et se mit au contraire à regarder devant lui. Cependant, le cavalier arrivait dans une bonne allure, et bientôt, il se trouva à la hauteur de Madame Prêt-Avoine et d'Aurélien. Alors, il se tourna vers eux et salua poliment. Puis il continua sa route, trottant à l'anglaise, mais en quittant à peine la selle, les jambes restant près du corps du cheval et tombant naturellement, le corps droit, la main basse et le coude de la hanche sans la toucher. En tout, l'attitude correcte d'un excellent cavalier. Bien qu'il se fût écoulé peu de temps entre le moment où il avait ôté son képi et celui où il l'avait remis, ce court intervalle avait suffi à Aurélien pour le bien voir. Le visage était mâle, mais l'énergie qui l'animait n'excluait point une certaine douceur, qui se montrait dans des yeux noirs ombragés par d'épais sourcils. Le front était large et le nez avait de la finesse. En tout, une belle tête de soldat sur un torse vigoureux, bien que svelte. « Il est décoré, » dit Aurélien. « Sans doute. Est-ce que tout le monde n'allait pas aujourd'hui ? Il monte bien à cheval. C'est son métier. Il va certainement à la Rouvray. Nous allons voir. » En effet, il n'était plus qu'à une courte distance de la Rouvray, ou tout au moins de l'avenue qui de la route conduit au château. L'officier, qui bien entendu allait plus vite qu'eux, était sur le point d'atteindre cette avenue. Tournerait-il pour la prendre ou bien continuerait-il son chemin tout droit? Ils n'eurent pas à s'impatienter longtemps sur cette question. Bientôt il dépassa l'avenue. « Il ne va pas à la Rouvray, » dit Aurélien, avec un soupir de soulagement. « Je vous ai dit que depuis son installation à Condé, il n'avait fait que deux visites au comte. Oui, mais il vient cavalcader devant le château. » « Il ne faut rien exagérer. Devant le château n'est pas très juste. » En effet, le château de la Rouvray se trouve à une distance d'au moins 800 mètres de la route à laquelle il accède par une admirable avenue de chênes. Ce sont même ces chênes appartenant à l'espèce du rouvre qui lui ont donné le nom de Rouvray, c'est-à-dire lieu planté de rouvre, et jamais n'en a été mieux justifié. Au milieu d'un vaste herbage, dans lequel pèsent des bœufs libres, se dessine cette avenue formée de chaque côté par trois rangées de chênes séculaires, qui, dans cette terre franche, profonde et fraîche, ont pris un développement magnifique, élevant droit vers le ciel leur tronc énorme, qui se termine par une immense cime élargie. Avant d'arriver au château, cette avenue développe, parallèlement au jardin, ces six rangées de chênes qui vont rejoindre les arbres du parc, mais en les dominant de leur port majestueux. C'est le lieu de promenade favori des habitants de Condé. Et comme les Larochaudon ont toujours libéralement ouvert leurs barrières devant les promeneurs, on vient là les dimanches et dans la belle saison se promener ou s'ébattre sous le frais ombrage de ces chênes et dîner en pique-nique sur le gazon. Un seau de loup, flanqué de deux petits pavillons bas, se trouve au bout de l'avenue qu'il sépare d'un jardin dessiné à la française dans le style de le nôtre, avec parterre, charmilles, quinconces, balustres, escaliers, bassins, vases et statues. Mais la grande curiosité de ce jardin, celle qui provoque l'étonnement des enfants et l'admiration d'un nombre considérable de gens de la contrée, consiste en deux ifs, taillés ou plus justement sculptés, et qui représentent celui de droite, un loup terrassé par un chasseur, et celui de gauche, un chasseur terrassé par un loup. Au milieu de ce jardin et sur une terrasse s'élève le château, qui date du commencement du XVIIe siècle, peu de temps après que, par ordre d'Henri IV, fut rasée la vieille forteresse de La Rochaudon, qui avait servi de place d'armes aux ligueurs. Ayant fait sa paix avec le roi qu'il avait longtemps combattu, le comte de La Rochaudon, qui était alors le chef de la famille, n'avait pas voulu relever son château sur les ruines de celui qu'on venait de démolir, et abandonnant La Rochaudon, qui d'ailleurs était un emplacement un peu trop sauvage pour les mœurs de l'époque, il s'était rapproché d'une ville, et à une courte distance de Condé, sur les confins d'une forêt qui lui appartenait, il avait fait construire le château qui existe encore aujourd'hui. C'est un monument de grande et belle ordonnance, édifié dans le style le plus pur de l'époque, avec bossage en pierre se mélangeant à la brique, haute cheminée gracieuse lucarne, et toit aigu couronné d'ouvrages en plomb. Tel il était à l'extérieur en sortant des mains de son constructeur, tel il est encore à notre époque, les seuls travaux qu'on y ait faits étant des travaux d'entretien et de réparation. À l'intérieur seulement, il a subi quelques changements, car les confrères de Ducerceau et de Dupérac entendaient la distribution d'un appartement d'une façon un peu trop primitive, une salle à un bout, une salle à une autre, un escalier au milieu, et c'était tout. On a donc remanié cette distribution dans quelques-unes de ses parties, mais en ayant en vue que la commodité des habitants est sans détruire l'ordonnance générale. C'est ainsi qu'ont été conservées les solives apparentes, les lambris, les boiseries, les carreaux de faïence, les dorures, les tapisseries, et dans un grand nombre de salles et de chambres, le mobilier même de l'époque. Madame Prétaboine et son fils vinrent jusqu'au Saut de Loup et longèrent les jardins en suivant les deux avenues latérales, mais si soigneusement qu'Aurélien regarda entre les charmilles, il n'aperçut ni Mademoiselle Bérangère ni le comte. Heureusement, il trouva une consolation à cette déception dans l'admiration que produisit en lui la vue de ces jardins et de ce château, qu'il connaissait bien cependant, mais qu'il n'avait jamais regardé avec les mêmes yeux qu'en ce moment. « C'est vraiment seigneurial, » disait-il, de temps en temps comme s'il se parlait à lui-même. « Trop seigneurial, » répondit Madame Prétaboine. « Comment cela ?»« J'entends dans l'administration de ce domaine. Ainsi, j'ai fait le compte, il y a quelque temps, des arbres de cette avenue qui arrivaient à leur limite de croissance ne peuvent que dépérir maintenant. Il y en a 750. Si on les abattait, en les estimant l'un dans l'autre à 100 francs seulement, cela fait 75 000 francs qu'on trouverait là tout de suite. » C'est en revenant vers Condé que Mme Prétaboine opérait ce calcul. À ce moment, ils furent croisés par la voiture du chemin de fer qui se rendait à la station et l'eurent se ranger sur le trottoir pour la laisser passer. Une tête de jeune femme parut à la portière et pendant que la voiture s'éloignait grand train, elle resta à les regarder. Madame Prétaboine avait senti le bras de son fils tressaillir. « Est-ce que ce n'est pas Sophie Fautrelle qui nous regarde ?» demanda-t-elle. « Sophie Fautrelle ?» balbutia-t-il. « Oui, c'est bien elle. Est-ce qu'elle quitte Condé ? Ma foi, j'en serais bien aise, car j'ai des raisons pour croire que ce n'est pas une honnête fille. »